Chef, imagine que je prends mon téléphone. Imagine que je leur donne rendez-vous. À l'embrassie, j'unirai des hommes de tous les quartiers au garde à vous. Tu te souviens quand on parlait du pouvoir? Personne n'aurait prédit qu'on l'aurait. Je rejoins deux, trois potes au bout du couloir. La garde est risquée, au bar est Bolloré. Petit frère, la cité, ça pue la merde. Suis pas les deux numéros qui t'abritent. Passer la trentaine au froid comme un cerf. Un col, mon content d'être un chaud gastrique. Faire que tu marronnes, t'as mal à la vie. Les vraies puissances savent déjà ce qu'on prépare. Tu crois que tu contrôles, mais t'es qu'un commis. Et regarde tes clips de rap, pis t'as tes bars. Si tu veux dénoncer, va crier plus fort. Si tu veux qu'on t'entende, va voler l'eau. Mon enfant, personne redistribue l'or. La révolution, c'est pour les pauvres. Tu rêves de demander pardon à Dieu avant l'heure du dernier règlement. Sois patient, un soir on va se croiser. Tu pourras tout lui dire directement. Imagine que je prends mon téléphone. Imagine que je leur donne rendez-vous. À la base, si j'unirai les hommes de tous les quartiers au garde à vous. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Imagine que je prends mon téléphone. Imagine que je leur donne rendez-vous. À la base, si j'unirai les hommes de tous les quartiers au garde à vous. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme et puis je suis resté sage comme un orage. À tuer des rêves, à pendre des vœux. À faire trembler des rois, à vivre. La main son cœur et le calibre entre les deux. T'es mal engagé pour gérer la fin. Je tiens mes sommets comme un alpiniste. Devrais-je me baisser pour serrer la main? J'ai pas la recette, je raquette l'alchimiste. Tout le monde s'en fout que tu saches te défendre. Mes frères, crois-moi qu'au lieu des avis, au lieu de déconner, tu devrais prendre au sérieux les menaces de tes amis. Au milieu des poucaves déclarées, t'as chaud devant les meurtriers notoires. Mais la rue c'est pas fait pour tout le monde. Petit frère, c'est pour ça qu'il y a des trottoirs. T'as perdu de l'oseille, ouais le rap c'est dur. Si tu retrouves ta tête, dis-lui qu'on la veut. A qui veut t'entendre, tu parles de moi. Au final t'as moins de buzz que mon baveux. J'fais comme je peux, va niquer ta mère. C'est toujours mieux que de rester à quai. L'amitié c'est fait pour faire la guerre. L'oseille c'est fait pour acheter la paix. Imagine que je prends mon téléphone. Imagine que je leur donne rendez-vous. À la base si j'unirai les hommes de tous les quartiers au garde à vous. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Imagine que je prends mon téléphone. Imagine que je leur donne rendez-vous. À la base si j'unirai les hommes de tous les quartiers au garde à vous. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche. Ils voudront caler comme Coluche.